Oh, comme nous aimons ça. Okola tolingi yango. J'aimerais lire ça. Okotanga dans le sermon Israël et l'église. Italele na Ekleja. Deuxième partie. Tenembalé. Où l'Israël à la mer rouge. Italele yango motane. Première partie. Tenembalé. Prêché le 26 mars 1953. Maman me racontait souvent. Maman va n'écouter l'angai tango. Excuse-moi maman. C'était avant que tu en saches mieux. Que nous aurions des ailes et volerons là-haut. C'est que sa mère, maman, elle a raconté à son fils Brahman. Ah, quelle éducation vraiment, quelle maman est Attends. Il dit, mais Branham dit, mais oui, excuse-moi maman, parce que là, c'est avant que tu en saches mieux toi-même. Vous savez, eh bien, j'aime manger, boire, serrer la main des gens. Et j'aime manger, oh là là, ce sera fini. Alors, oh non, j'ai compris que Dieu ne m'a pas du tout fait un nom. Il m'a créé un nom. Et je serai toujours un homme et jamais un an. Je dis, ma chérie, viens, c'est l'éternel. Mais il y a aussi un chérie, c'est l'éternel, comme il y a mis, il y a trois fois. Toi, tu y es mimé. Fais ta part, comme la Bible est en train de faire. Les chérubins font leur part, comme les chérubins font leur part. Il dit amen. Arrêtons les confusions. C'est comme boulot. Les dénominations nous ont habitués à faire des confusions. J'ai compris que Dieu ne m'a pas du tout fait un ange. Il m'a créé un ange. Je serai toujours un homme. Et jamais un ange. C'est une erreur. Dieu a des anges. C'est sûr. Il a créé des anges. Bongo. Et il a créé des chérubins portant des ailes. Et il a créé des anges sans ailes. Yo akeli yo mutu, chérubin akeli yé naba ma papou, mais banje lo akeli bango sa ma papou, mais yo akeli yo mutu na ma boko na ma koro. Faut ainsi que tu y es. Et faut que la parole a dit que tu fasses. Sala ou yobé, nous disons sala. Ne vois pas comment c'est imiter un chérubin pour commencer à agir comme un chérubin. C'est l'éternel. Santu, santu, santu, santu, santu. Oh, c'est quoi ça? On a nini. Toi, tu es devenu chérubin? Yo komi keluba. Moussatu, moussatu, moussatu, moussatu. Mbalaboni, misatu. Boni, c'est quoi ça? On a nini. Est-ce que même les chérubins le font comme ça? Ataba keluba wa salaka lulenjo wana. C'est pas ça? Bongote. Priez sans cesse. Bonde la bozanga kotika. Ne vous inquiétez de rien. Banga lokote. Mais en toute chose, dis la parole. Tu vas connaître vos besoins à Dieu. Allez, ça vous sera la prière de supplication. Ayez de l'inspiration, formulez les demandes à votre Dieu. Vous êtes des chérubins. Mais comment c'est pas jouer le rôle de chérubins? Oh, donc là, il n'a pas c'est la fin frère. Je vais répéter en face à Paris. C'est la fin. Sans tout. C'est quoi ça? On a nini. Arrêtez ces bêtises-là. Si Dieu ne va pas accueillir ces choses-là parce que tu n'as pas la place. Tu ne tiens pas parce que la parole ça ne te fait pas. Ok. Nous devons prier selon la parole. Jean 15, verset 7 est clair. Vous demeurez à moi et mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Va réciter les slogans de la Bible. Les slogans de séraphin. Les slogans de chérubin. Vous n'êtes pas séraphin ni chérubin. Vous êtes un humain. Que la prière vienne de votre cœur. Vous ne pouvez entendre de votre cœur. Tu as besoin de quoi? Connaître tes besoins. Pas sans tout. Non pas sans tout, mais faites connaître à Dieu votre besoin. Nous devons réciter le psaume 93. Arrêtez ces choses-là. Formulez votre demande. Père, j'ai faim. Dieu entend. Mon enfant a faim. Petit problème comme celui-là. Il t'enverra à manger. Ave Maria, 50 fois. Ça ne produira rien. C'est une illusion que tu vas former dans ta tête. Mais rien ne bon. Tu t'imagines des choses toi-même. Mais qui ne concerne pas Dieu. Parce qu'il nous pose des choses après ça. Dites à Dieu ce qu'il vous manque. Seigneur, je veux naître de nouveau. Amen. Pensez-vous qu'un séraphin va formuler une telle prière? Je vous dis que tu as bon gars à été. Aïe, vite que vous nouvelle naissance, à Zana Botinani. Million Moutine, on a besoin. Vous voyez que nous avons des besoins différents. Et des réalités différentes. Voyez ce que Dieu a fait de vous. Zala ou Zamba, salut Zala. Et soyez fiers de le vivre pleinement. Comme ça. Je suis un humain, je resterai un humain. Amen. Amen. Que Dieu nous assiste, hein? Et qu'il nous bénisse. Pambo, la oh, cette question a pris quand même du temps. Mutuna, juste une petite chose. Voilà, ça c'est utile à quelque chose. Mais ce que je voulais illustrer ce matin, c'est de voir le ministère de Jésus-Christ reproduit. C'est donc je voulais que nous puissions parler un peu. Ah, ça me tenait tellement que. Alors, je vais effleurer un peu. On va encore détailler. Voyez, le ministère de Jésus-Christ reproduit. Et pour ça, je vous avais invité à lire dans Luc chapitre 6. Je prends juste quelques minutes pour introduire la pensée. Et nous aurons les détails après. Alors, dans Luc chapitre 6, on avait à partir de verset 6, jusqu'au verset 13, faisons un récapitulatif. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Na sabata mosusu akotaki na yanga nelompe alakisaki. Pe moto moko ajalaki wana loboko na ye ya mobali ekaukaki. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir un sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il s'éleva et s'éteint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, les jours du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal. De sauver une personne ou de la tuer. Quelle question. Eux étaient en train de l'observer. Et lui aussi les a observés. Amen. Talingai na talibeyo. Totala ni sikolo. Toloba na vérité. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Il observait Jésus. Bango atalaki Yesu. Ya kosala nini? Nous voyons la preuve. Nous sommes avec le monde d'aujourd'hui. Avec nos téléphones caméras. Nous sommes en train de faire des choses n'importe où, n'importe comment. Vous devez faire attention. Faites vraiment attention avec votre vie. Il y a des gens qui piègent les gens partout. Dernièrement, j'ai vu une vidéo. Namona ki elilingi moko. d'un véhicule Land Cruiser. Il y a mon motocross avec un Land Cruiser. Vous devez traverser une rivière. Et c'est là qui est caché ça et balayé. Mais près d'un point de chute. Et pas ils m'ont quoi à couper. Ils sont arrivés au bord. Il y avait des gens au dessus. Bah comment qui n'a souffert en étant dans le long du Koweït long. Où y a Pembe. Comme on sait que ce sont des véhicules tout terrain, habitués à traverser dans des rivières, avec la traction double traction, et la première pneu, et quelqu'un est en train de filmer en fait. Mes chers amis, parce que c'est l'icama. C'est comme un théâtre, mais les gens sont en train de mourir. Regardez le genre de cœur que les téléphones nous donnent. Parce que la vie humaine est sacrée. Et puis, il y a Bani Koloba. Il filme, hein? À un moment, l'Andriser patine un peu. Il a traversé la moitié, près du pont là-bas. Il a traversé la moitié, près du pont là-bas. Elle patine. Le chauffeur met arrière. Ça patine, ça s'enfonce. Apparemment, il remet les dépens. La pression de l'eau commence à désorienter le pays. Au lieu qu'il aille devant où il allait, ça l'oriente vers la cité. Et j'ai vu des personnes qui étaient au-dessus sauter dans l'eau. Et puis ils disent, l'autre filmé, il crie. Après c'est entré, les gens sont morts. Et nous prenons la vidéo partage. Sommes-nous toujours des humains? Avec ce genre de comportement. Sommes-nous vraiment des humains? Nous devenons de plus en plus des animaux avec nos téléphones en main. On pense que quand on a un téléphone Android, c'est la preuve qu'on est civilisé. Mais regardez le comportement et de quelle manière les gens gèrent ces téléphones Android. Simplement pitoyable. Abraham dit que le temps vient où le monde sera habité par des gens qui deviendront complètement fous. À cause des choses hideuses qui vont apparaître dans le monde. Imaginez des histoires. Et à un moment, ils se mettront à pousser des cris dans le monde. Notre terre sera habitée par des fous. Nous ne sommes pas loin de là. Tous ces genres de comportements sont des folies. Ça ne ressemble pas à des êtres humains. Un être humain doit compatir. Au lieu de filmer, il faut même appeler. Et filmer avec un cri de moquerie. Vous allez un véhicule là de luxe. Il est pris dans les pièges des inondations. Pendant qu'il roulait, la pluie venait à un moment, ça ne peut plus avancer. Mais alors, l'eau commence à pousser le véhicule en arrière. Quelqu'un d'autre avec son téléphone en train de filmer. Patron, quoi, mais Moutouka, Moutouka, comme il m'a tué, notre truc qu'on voit. Il filme, il pousse des cris bizarres comme ça. Il dit que le véhicule est devenu une pirogue. Voilà le dimanche qui comme le cola. Donc pour lui c'est un sujet de moquerie. On est allé au coup de caca. Mais quelqu'un est en train de se. Et puis il est mort. Moto a dali coup. L'eau est entrée, l'homme est mort dans son véhicule de luxe. Et l'homme est crié. Hé patron, boite, moutouke comme boite, moutouke comme boite, voyez quoi ça là. Miséricorde. Et pourquoi les gens sont devenus comme ça? L'injustice dans la société. Vous en avez venu quatre, n'est-ce qu'à votre vendre. Les richesses du pays ne sont pas bien partagées. Wana, mboka, il y a trop d'écart entre les pauvres extrêmement pauvres et les riches plus riches. Avec la jalousie et la criminalité. Il y a des envies, on veut que les autres aussi aient le malheur comme ça. Il y a un monde meilleur. que nous annonce l'évangile. Habitera la paix et la justice. Quand Jésus, notre Seigneur, deviendra roi de toute la terre, battons-nous pour arriver là-bas. Investissons-nous pour être couronnés là-bas. Amen. Amen. C'est cela. D'accord. Ici, il y a un homme qui avait une message. Juste la main droite. Toutes ces choses-là et tout. Ça pouvait être ce que les médecins appellent la gangrène. Il y a la gangrène humide, mais il y a aussi la gangrène sèche. Et cette main ne pouvait pas fonctionner. C'était visible. Alors Jésus, qui avait déjà vu la vision qu'il allait guérir, et il se savait être observé. Les bâtons ne disaient rien. Ils se sont pointés comme si c'était des auditeurs dans la foule. Comme Jésus pour écouter ça. Alors ils étaient en train de les piéger. Et la Bible dit, Jésus connaissait leurs pensées. Même si leurs bouches n'ont rien dit. Même si leurs lèvres n'ont rien touché. Jésus connaissait leurs pensées. Or, la capacité de connaître les pensées des gens, ça c'était le ministère de Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez ça? Il n'avait pas besoin que les gens viennent toujours tout lui dire. Dans son propre ministère, il connaissait leurs pensées. Non seulement ça, mais dans son propre ministère. Selon l'estimation que nous communique le prophète Branham, 86% c'était la prière pour les malades. Et par là donc, la guérison. Dans le ministère de Jésus-Christ, deux grandes choses caractéristiques. La guérison divine par la prière pour les malades et aussi la connaissance des secrets de terre. Le discernement des secrets de terre. Êtes-vous là pour dire amen? Et remarqué dans la deuxième commission de William Branham que l'ange est venu lui communiquer. Les deux choses sont clairement mentionnées. D'abord, le sens de sa vie difficile à comprendre. Hein? C'était dû au fait qu'il était envoyé par Dieu comme porteur d'un don de guérison. Et qu'il devait aller dans le monde entier prier pour les malades. Nous l'avons entendu répéter au courant de la semaine. Quel que soit leur état. Lui, William Branham, qui n'était pas Jésus-Christ. Mais un ange envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Cette présence que Ézéchiel avait vue, que Esaïe avait vue, que Jean avait vue, trois témoins bibliques. Un ange est venu de là. Et il n'avait pas de zèle. Mais il avait une forme et une corpulence humaine. Un homme qui pesait environ 90 kilos. N'est-ce pas que c'est clair? Vous allez poser les. C'était un humain. Avec des bras. Vous allez croiser. Pieds nus. Peinture bras. Avec des cheveux qui lui tombaient dans les cheveux. L'ange dit ça. Moi j'ai nakolo. Venu de là. Aouta kikuna. Mais il vient voir un blanc. Aye kotala Frère Branham était un blanc. Et lui, l'ange était brun. Avec des cheveux noirs. Toi, tu as les cheveux de quelle couleur? Mais l'ange est venu de la présence de Dieu. Il est venu de ce ciel-là que nous avons entendu. Il était l'un de ceux qui composaient les pans de la robe de l'Éternel des armées. Il est dans le cœur des anges. Il est sorti de là, il n'était pas lui-même. Mais c'était un ange envoyé de la présence de Dieu. Et il n'avait pas d'elle. Amen. C'est vrai. Que ceci soit réel pour chacun. Mais il vient annoncer à Branham qu'il est porteur d'un don de guérison. Et le même qu'il avait été donné à Moïse, il lui sera donné aussi à lui deux filles. Et s'il continue à être sincère, il arrivera même qu'il connaîtra les secrets de la vie. Il connaîtra les pensées des hommes. Êtes-vous là? Vous allez voir là? L'ange lui annonce ce signe là. Moi, j'ai la tine à l'embouana. Comme deuxième signe. Le il arrivera que lui, William, connaisse les secrets de Jésus. Mais au départ, les dons de guérison. Ensuite, le premier signe. Le signe dans la main. Discerner les maladies dont souffre quelqu'un. En tenant à partir de sa main gauche, la main droite du malade. Il va, la maladie va apparaître et le nom de la maladie lui sera monté. Au-delà de ça, il arrivera qu'il connaisse même les secrets de la vie. Le problème de la vie. Ceux qui faisaient partie du ministère personnel de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans la deuxième commission. Baninga. C'est aussi grand et glorieux que ça. Voilà une différence que nous continuons à voir. J'aimerais lire Frère Branham. Un peu en partie parce que les autres détails, comme je l'ai dit, viendront après. Donc, dans le sermon, n'ayez pas peur, suive ta parole, Seigneur. Dans le sermon, suive ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Prêché le 7 décembre 1954. Donc, je prends le paragraphe 85. Et 86. Bon, la vérité reste la vérité. Sommes-nous d'accord? Même sur les ailes des anges. N'existe pas. Ou sur les ailes des chérubins et des séraphins. On ne sont pas à deux, mais à six. Vous allez me balayer, t'as dit motoba. Ok. La vérité reste la vérité. Or, un homme peut passer ici et dire, eh bien, je ne prétends pas ceci ou cela. Ça, c'est ce que l'homme fait. Vous avez le droit de douter d'un homme. Mais lorsque Dieu vient et confirme la chose, et que se conforme à sa parole, alors c'est un péché que de douter de Dieu. N'est-ce pas ça? Vous êtes libre de douter. Ah, n'a pas été dans le doute. Aucune langue. Ah, tout ça et tout. Mais quand Dieu descend, et il confirme la chose. Ce que Dieu confirme est conforme à la parole de Dieu. Vous qui doutez, ça devient un péché. Le péché de l'incrédulité. Et Dieu les condamne sévèrement. Et les incrédules sévèrement. Ainsi, ce soir, croyez de tout votre cœur. Maintenant, mettez de côté tout moindre doute. Et écoutez tout simplement. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Le ministère de Jésus-Christ. C'est exactement son ministère. Ministère de Benami, il y a Jésus-Christ. Et Zalaka Penza Penza, oh il y a Jésus-Christ. C'est clair? Et nous savons il est exigé de chacun de faire son propre ministère. Nous savons que c'est vrai. Le ministère de Jésus-Christ, c'est d'abord, nous devons comprendre, que c'était exactement son propre ministère. Quand on parle du ministère de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ. Ok. Tout le monde le sait. C'est son ministère. Il a regardé parmi les gens dans l'histoire. Et il connaissait leurs pensées. N'est-ce pas ce qu'il a fait ici? Dans Luc 6. Il a regardé dans l'auditoire. Et il connaissait leurs pensées. Ce qu'ils avaient est secret. Lui, Jésus connaissait. C'est ça son ministère. Est-ce que c'est juste? Combien savent que c'est une écriture? Lui, il n'a pas cité, nous nous l'avons lu. Il levait la main. Bon, maintenant, vous savez c'est une écriture. Parce qu'elle est dans le tableau. Vous l'avez lu en lisant la citation. L'écriture est même là. Voilà, celle à laquelle il fait référence. Dans Luc 6, c'est là-bas. Ok. Il regardait dans l'auditoire. Et là où le Père lui montrait l'une ou l'autre chose, il pouvait citer la chose. Et l'allait dire. Est-ce juste? Et lorsqu'il se tenait là, et qu'il parlait aux gens, il connaissait leurs problèmes. Et ça, c'est le ministère personnel de Jésus. Ne craignez pas. Hein? Où est-ce qu'on veut nous amener alors? On veut vous amener dans la vérité. Il connaissait leurs problèmes. Et s'il est le même jusqu'à présent, c'est qu'il connaît nos problèmes. Il connaît vos problèmes. C'est vrai. Il savait s'ils allaient guérir ou s'ils allaient mourir. Ce qui a commisca, toi, kukufa. Ou ce qui allait arriver. Soyez pour comment la cima. Concernant chacun de nous. Vous allez la mort, la mort, la biso. Il le sait. Si tu vas guérir d'une maladie. Vous mettez la mort, ou si tu vas mourir. Soyez pour kufa. Ou ce qui va arriver. Soyez pour comment. Ce qui va t'arriver. Soyez pour comment la yo. Ce qui va vous arriver. Soyez pour comment la vie. Le Seigneur Jésus le sait. Soyez pour bien go. Mais il ne faisait rien sans que le Père ne le lui ait montré. Réellement. Est-ce juste? Tout le monde croit-il cela? Que c'est sa parole. C'est ce qu'il a dit. Voyez. Et cela pourrait être sous un angle un peu différent. Mais c'est lui dont vous avez été enseigné. Mais regardez, à la lumière des Écritures, lorsqu'il est venu pour la première fois, il est venu sous un angle tel que les gens ne l'ont pas cru. Il l'attendait d'une autre façon. Suivez maintenant. C'est pathétique. Et peut-être qu'il reviendra. Peut-être. Lorsqu'il reviendra, comme il a promis de revenir, ce sera sous un angle tel que nous n'en saurons rien. C'est pour ça que chacun de nous doit s'humilier et compter sur la grâce. Ne pas développer trop d'illusions ni de préjugés sur le retour de Christ. Ne pas trop s'imaginer qu'il viendra comme ceci, il viendra comme cela. Dites seulement, Seigneur, aide-moi et tiens-moi prêt. Je ne veux pas trop savoir comment il va venir. Mais mon besoin, c'est d'être prêt et d'être pris quand il va venir. De quoi avez-vous besoin? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. N'allez pas dans des confusions inutiles. Seigneur, quand tu viendras comme un chérubin, oh Dieu, lorsque tu viendras comme le Fils de l'homme, Arrête un peu toutes ces déviations-là. Mets l'accent sur l'essentiel. Donne l'importance à la chose prioritaire. Respecte après quand il viendra. Que tu sois du nombre de ceux qui partiront. Ne raterons pas cet événement. Quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront, quand les saints de Dieu entreront, ces jours-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être des nombres. Lorsque les saints entreront, c'est ça l'essentiel. Au lieu d'aller se poumoner, et se tirailler, jusqu'à baver, pour défendre des doctrines, et après tout manquer. L'important, c'est que tu sois prêt quand le Seigneur viendra. Peut-être que lorsqu'il reviendra, ce sera sous son angle tel que nous n'assurons rien. C'est juste que Dieu t'aide à être et à demeurer connecté. C'est vrai. Connecté jusqu'à être pris au moment où lui viendra. Que Dieu nous fasse cette grâce. Chacun de nous, qu'il nous fasse vraiment cette grâce. Moi j'aime ça. Oh, qu'il en soit vraiment ici. Vous voyez? Miséricorde. Il faudrait que nous puissions comprendre ces choses. Et que par la grâce de Dieu, nous puissions nous conformer. Tout... Les prophètes montrent bien ça. Que le ministère de Jésus-Christ, c'était de connaître les pensées des gens. Il a jeté les regards sur les gens. Il connaissait leurs pensées. Mais selon l'estimation qu'il a faite, 86%, donc plus de la trois quarts de son ministère. Ce qu'il a fait dans le concret, c'était guérir les malades. Et dans le passage que nous avons lu, c'est justement ça. Il y avait un malade, Jésus démontre d'abord qu'il connaissait leurs pensées. Alors que eux l'observaient pour les visions, c'est une question complexe. Au sujet du jour du sabbat. Comme on dit à Lingala, afandeli bango na makanisi. Avant que eux ne disent ou ne fassent quoi que ce soit, il les a bien pensés. Pose la question. Est-il permis de faire du bien ou du mal les jours de la sabbat, de sauver une personne ou de la perdre? Ils se sont mis à réfléchir. Nous allons répondre quoi? Faire le bien ou faire le mal? Sauver quelqu'un ou perdre quelqu'un les jours de sabbat? Parce qu'il savait qu'il voulait mettre la main sur lui. En flagrance, hein? Voilà, je ne sais pas, il a fait ceci. On va l'arrêter. Vous voyez, le jour du sabbat, et on ne doit rien faire. Mais comment vous voulez orienter le jugement du sabbat contre une autre personne? Mais vous permettre vous n'importe quoi le jour du sabbat? Le juge humain est imparfait. Amen. Et souvent insensé. Mala mingi, bazali kutu batu na bolema, maele zalite. Le Seigneur dit qu'il réduit à rien le juge de ses membres. Il le réduit à rien. Parce qu'il pense tout maîtriser. Mais il faut qu'il se contredire et afficher des statuts lamentables. Pour tali salolenge penza ya mawa. une arrogance vaine. Dites-moi, vous me permis, oui ou non? Et c'est ça, de faire le bien ou de faire le mal? Et ça, voilà, il n'avait pas de réponse à donner. Ensuite, est-il permis de sauver quelqu'un ou de la paix? Les jours du sabbat. Les jours du sabbat. Il est permis de perdre quelqu'un. Mais il va nous condamner. Vous voulez faire quelque chose le jour du sabbat. Nous disons de sauver. Nous soyons humains. Si quelqu'un est en détresse, prêt à mourir. Parce que c'est le sabbat. On ne peut pas les tirer du sabbat. Mais si nous disons ça, il va maintenant nous dire pourquoi vous me condamnez quand j'ai guéri le malade. Vous allez vous coincer dans la vie que vous avez. Oui. Bango va si la qui finit dans la vie. Nous, des fois, qui pensons être trop bavards des fois. Voilà, on a des choses à lui dire, des choses à dire. Quand il apparaît, tango ya mona naka, nous restons souvent bouche bée. Mbala mingi, mono kako kanga. On manque même à dire. Nous en avons écouté à Koloba. Dieu nous connaît. Zambé, allez, monsieur. C'est vrai. Solo. Il a profité de ça. Il est en train de une démonstration qu'il connaissait les pensées. Il pouvait maîtriser les pensées. Il pouvait maîtriser les pensées. Il pouvait maîtriser les pensées. Il pouvait maîtriser les pensées. Il pouvait maîtriser les pensées. Amen. Que toute bouche soit fermée. Mon connaissance est quand même pas le. Oui. C'était prévu dans son ministère que devant lui-même des rois s'éteront. Ils sauront quoi dire. Quelle sagesse, quelle chiffre. J'ai dit qu'il est le maître. Yazali Mokolo to Mokondi Bakondi. Ne le réduisez pas. Il est tout grand qu'il est le maître. Il nous connaît tous. Aïbiso, malam. Connaît tous nos pensées. Aïma banso. Amen. Toutes vos actions, même ses pensées. Misala na miata ya kubatama. Il sait quoi faire pour te bloquer. Aïbini, kosala pona kukanga yo. Ne te crois jamais très malin. Kumibanza tete yo, zel maile ma tete leka. Face au Seigneur. Kusale la polo. Oh, il m'a pas vu. Amoni ba yisa. Il sera rien. Amosale loko te. Zela. Zela. Même les humains dans leur sagesse stupide là. Ils disent motomokolo liaka ligorodo yangote abimagama kwanza. Lia ligorodo bien. Batama loba il s'en a rien fait. Mais il y a un jour qui vient. Sans effort, ou la mouki na tongo, moko boti moussousu moussousu, pour son moibimbe changer. C'est quoi? Il y a qui ligorodo. Il avait mangé sans secret. Maintenant les effets sortent au dehors de votre vie. Que Dieu aide chaque frère, chaque soeur. À savoir que Dieu l'observe. Il jette les regards sur les gens. Il est écrit. Le Seigneur jette les regards sur la terre. Pour voir s'il y a un seul homme juste. Il passe le bien. Il n'en voit pas. Chaque fois que tu trébiches, Dieu te voit. Tu cherches des échappatoires, Dieu te voit. Et pour tout ce que tu auras fait, bien ou mal, il y a un jour fixé par Dieu pour le jugement. Dieu t'amènera en jugement. Que tes actions bonnes soient nombreuses. Et que le mal s'éloigne de toi, s'éloigne de ta vie, et de ta maison. Amen. Purifiez-vous, nettoyez-vous. Le Seigneur connaît toutes les pensées des hommes. Toutes les actions des hommes. Il les voit en permanence. Nuit comme des jours. Tout est présent devant lui. Et nu et découvert. Auquel nous serons en rang de mort. Rien ne cacherait votre vie. Confessez vos péchés. Et si vous avez un problème de maladie, sachez que c'est lui-même là qui connaît toutes nos pensées. Il connaît nos problèmes. C'est lui-même là qui a le pouvoir de guérir. Il guérit toutes les infirmités. Toutes les maladies. Le même Jésus. Après avoir bloqué les pensées, ayant pris la personne et l'ayant mis là où tout le monde voit de qui il s'agit. Il dit maintenant, lève-toi. Étends ta main. Il a étendu la main. Par ordre de la parole. Hein. Une main qui ne fonctionnait pas. Mais parce que la parole lui a donné l'ordre. Et que c'est l'ordre du Créateur. Le Dieu suprême. L'autorité sur tout ça. Le vivant et le mort. Le bras a obéi. Un bras sec a obéi à la parole du Seigneur. Et toi, un être humain, vivant parmi les vivants, tu vas désobéir aux ordres de la parole. Et si tu ne fais pas ça, même un bras sec, une main sèche, a reconnu l'autorité de son Seigneur pour obéir chaque diversité. Elle s'est exécutée. Elle fut guérie instantanément. Alors, quand ce miracle a été réalisé, Jésus ayant démontré le double aspect de son ministère, il connaissait les problèmes des gens. Il connaît vos problèmes. Il connaît tous vos problèmes. Même si des fois du début à la fin de la prédication, ton problème n'est pas cité. Littéralement, comme tu penserais, parce que dans ce qu'il a dit, il a touché ton problème. Il y a quelque chose qui concerne cela. Et qui te donne une piste de solution. Il connaît les pensées des hommes. Leurs problèmes, leurs souffrances. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je le sais, je le crois. Regardez-la. Après avoir réalisé ces doubles ministères, il s'est retiré en brousse sur la montagne. Il a passé toute une nuit à prière. Mon frère, ma soeur. Jésus a fait ça alors qu'il était saint et parfait. Il n'avait pas de péché à confesser. Mais toute une nuit offerte à Dieu. Toi, tu lui en offres combien? Toute une nuit de prière. Souviens-toi un peu. Quand est-ce que tu as fait ta dernière nuit de prière? Toute une nuit. Banza. Seul. Pas comptant sur les amis, les voisins, pour ton Dieu. Tu sacrifies ton sommeil pour aller devant Dieu. Quand est-ce que pour la dernière fois tu as offert à Jésus-Christ une nuit de prière? C'était à quelle date? Quelle année? Voyez un peu. Moni. Tu te connais. Miebi. Et plus que ça, lui te connaît. Amen. Tu ne peux pas lui tromper. Oh yes, c'était yes. Il connaît les pensées de Dieu. Regarde à quel point tu es devenu sec. Tu ne pries plus assez. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. La Bible dit que ceux-là qui ne pensent qu'aux choses de la terre, ils ont pour Dieu leur femme. On semble les zambes, bon, les zambes, la Bible, tu sais. On semble les zambes, les zambes, les zambes, les zambes, les choses doivent changer. Mon frère, ma soeur, l'église de Dieu, il est plus tard que nous ne le pensons. Les choses doivent changer. Êtes-vous prêts? Les choses doivent changer. Ça ne doit pas rester indéfiniment. Non. Une nuit de prière. Non pas après avoir passé une journée de péché. Remarquable constatant. Que au plan spirituel c'est fiasco. Si on parle des miracles, ils doivent combattre ces hommes qui ont cru. Toi, t'es le faire. Mais tu laissais, mais tu ne fais rien. Il n'a pas cherché la face de Dieu. En prière, une nuit de prière. Quand tout le monde sera endormi, il y aura un peu de bruit dans cette époque. Mais toi, tu es seul devant Dieu. Nous allons nous lui parlant. Les yeux pliants. Pleurant. L'appelant sur la scène. L'appelant au secours. Pour engendrer. Régénérer. Produire la vie de Christ. La vie nouvelle. La vie spirituelle. La vie plus élevée. Quand est-ce que tu lui as offert ta dernière nuit de prière? Pour la dernière fois de ta vie. Peut-être il y a 7 ans. Nuit de prière. Seul. 8 ans. Et on attend le retour de Christ. Dans cet état. Attends, Yomoko vraiment. Aujourd'hui, on va payer son verre à la tête. Et puis, okay. Na rétrogradation, il y a modèle Wana. Même pas une nuit de prière. La journée, n'en parlons pas. En est occupé. Je suis occupé. Une nuit de prière. Offerte à Jésus. Mon Jésus n'a pas reçu ça de ta part. Ça fait tellement longtemps qu'il les réclame maintenant. Il te dit, tu me négliges trop. Moi, j'ai fait beaucoup pour toi. Je t'offre le souffle de vie. Jour et nuit. Même dans ce sommeil, le plus ingrat. Un sommeil d'ingratitude. Tu interromps même ton sommeil pour te permettre de prier. Mais toi, tu forces seulement pour dormir. Sommeil d'ingratitude. Parce que tu ne veux pas parler à ton Dieu. Ça ne te dit rien. Jésus réclame maintenant. Une nuit de prière. Es-tu de son niveau? De son niveau de sainteté? De son niveau d'exploit. Tu n'as même pas atteint ce niveau-là. Et ta vie n'a rien produit. Mais pourquoi ce fainéantisme? Cette négligence dans la vie de prière. Et jusqu'à quand ça va rester comme ça? Notre Jésus mérite mieux que ce que tu lui offres. Il mérite mieux que ce que tu lui offres. Les prières de médiocrité. Les prières de sabotage. Si c'est beaucoup, 2 minutes. Ah Dieu, Dieu est le Dieu vivant. Et maintenant tu m'as gardé la journée. Merci pour la protection. Garde-moi la nuit contre le cauchemar, contre les mauvais rêves et les démons. Les esprits mauvais. Au nom de Jésus. Amen. Et quand il dort comme ça, c'est pour ronfler toute la nuit, déranger tous les gars. Jusqu'à 9h30. Le soleil était même déjà levé. Les travailleurs sont déjà partis travailler. Il faut se retourner dans les draps. Oh, Isaïe est là. Bon, qui vous a dit qu'il y a un peu de temps? Est-ce que c'est une raison? Là où il n'y a pas la saison sèche, il y a l'hiver. Mais les gens travaillent. Et pour Dieu, nous devons travailler. Il est allé passer la nuit de prière. Et les jours suivants, il descend de la montagne. Avec un nouveau programme du Père Céleste. Avec ce programme-là, il a appelé les 12 disciples. Après avoir passé une nuit de prière, il leur donne alors le nom d'apôtre. Non pas par fanatisme, par sentiment. Non pas par légèreté. Le truc n'était pas distribué comme ça. Et c'était le résultat d'une nuit de prière. Yes, il y a mais pour tout mon vie, ma commande là. Amen. Vous savez que ça, un jour et la nuit, qu'on pèse ça, ma bouche. Qu'on pèse ça, il y a un Thomas. Alors, il y a pas mal. Oui. Et il y a quelqu'un qui a été, on est foufou, au Tony, au Bimi, dans Saint Thomas. Moi, je suis un apôtre. Frère, allez faire vos aventures ailleurs. Pas dans les choses de Dieu. Titre d'apôtre. Thomas. Et il y a quelqu'un qui a été apôtre. Mais vous voulez vous moquer de qui? Vous voulez ridiculiser les choses de Dieu? Réunion Dieu mes amis. Tu vas en et vous aussi qui allez donner confiance à des choses comme ça. Vous vous la mettez dans ma oui, c'est un apôtre. Nous nous allons d'où est-ce que ce titre est venu? Et bien, il a été donné pour la première. Vous voyez, ça venait d'où? Et où t'as tué? Une nuit de prière. Et Paul. Paolo, que Dieu a établi expressément apôtre. Il a lui-même dit et il a écrit. Je ne suis pas digne. Je suis pas digne. Je suis pas digne. Je suis pas digne. Je suis pas digne. Je suis pas digne. Je suis pas digne. Je suis pas digne. Je suis parce que c'est une fonction sacrée. Il y a un contenu divin. Ne vous le donnez pas vous-même. Mais que ce soit Dieu qui vous forme. Vous avez vu Ézéchiel? Il n'a pas donné aussitôt le titre de chérubin à ces créatures-là. Mais il s'est laissé former devant Dieu. Est-ce que Dieu lui révèle le nom? Alors il a mentionné chérubin. Du coup, soyons disciples auprès du Seigneur. Ne prétendons pas tout connaître. Mais apprenons de lui ce qu'il veut. On va parler de la manière qu'il veut que nous l'étions. Amen, amen. Donc, le ministère de Jésus-Christ connaissez les pensées de cœur. Connaissez les problèmes des gens. Et ce ministère, en grande majorité, c'était la guérison divine. Et dans le passage que nous avons lu, les deux signaux apparaissent clairement. La connaissance ou le discernement. Et aussi la guérison des maladies. Pas n'importe laquelle. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il est Seigneur. Mais malgré ses exploits, malgré ses réussites, il pouvait l'amener dans un triomphalisme. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Non, il n'a pas fait tout ça. Il s'est retiré en prière. Il s'est retiré en prière. Qu'il soit votre modèle. Ne faites pas du tapage inutile. Faites ce que le Père attend de vous et persévérez dans la prière. Que lui-même s'occupe du reste. Voulez-vous ce modèle? Que Dieu vous bénisse. Pour ce matin. Alors nous allons continuer en semaine. Nous vous invitons, soyez les bienvenus. Comme disciple du Seigneur, persévérant dans l'enseignement de la parole. Tenons-nous debout maintenant pour la prière. Hey, hey, hey. Veillons chacun maintenant. Na kiti na ngolo na zambe na bomo Nasi elaka yang zambe na bomo Elonga, elonga kati Yeso po ako vela kina Kiti kene na kiti na ngolo Solo yaka neko yaka neko Yaka na kiti de décider positivement pour inverser ton sort au-delà C'était le sort d'un condamné. Je vais choisir la croix aujourd'hui. Je suivre Jésus-Christ. Devenir son disciple. Par la mort en soi-même. Renoncer à toi-même. À toute sa vie de loisirs. Les plaisirs du péché. Et la vie de condamnation. La vie de désobéissance. Pour devenir un enfant obéissant. Un disciple digne d'être chrétien. Tu peux inverser. Pendant que tu vis encore, une fois que la mort aura frappé ton corps, tu ne pourras plus rien décider et rien ne pourra plus changer. Ton sort sera scellé pour toujours. Pendant qu'il est temps, je vous écoute savoir. Donne votre cœur à Jésus-Christ. Aux affaires du royaume de Dieu. Que tu les bâtisses sur la terre. Le plaisir de l'impunicité. La vie d'hypocrisie. Le faux semblant religieux. Mais c'est Dieu qui fait cela. Dieu veut vous utiliser pour l'intérêt de son royaume. Alors il fait que tout de vous soit donné à lui. La vie de prière, la vie d'obéissance, la vie de sanctification. Toujours se séparer du mal. La vie de sanctification. Toujours se séparer du mal. Même si on y est habitué. Il faut décider de rompre. Il faut décider de changer les choses. Pour aller dans la présence de Dieu. Avec de jeunes larmes et supplications. La voix de votre âme. Dieu bien-aimé. C'est toi qui nous connais. Tous nos problèmes et nos réalités. Toutes nos actions. Même les plus secrètes. Rien n'est caché devant toi. Nous n'avons pas à nous justifier. Ça ne sert à rien. Mais devant la culpabilité, on représente notre négligence. L'amour des choses du monde. Les distractions terrestres, les folies de ce monde ici, nous ne pouvons que te demander pardon pour ton peuple, pour cette église, pour chaque frère ici, pour chaque soeur, même ceux qui bombent les torches, pardon leur orgueil. Amen. Nous avons besoin de ta miséricorde, de la grâce de Dieu, tout changer les cœurs, pour changer de caractère, changer de comportement, produire les vrais fruits chrétiens. Aïe, pitié de chacun. Je t'appelle sur la scène, Seigneur. Aïe, pitié de chacun. Même celle qui vit dans l'inconscient. Il n'arrive pas à rentrer au dedans d'elle-même. Pour sentir sa misère. Ressentir le degré de sa perdition. Viens au secours de cet âme. Touche la dedans, Seigneur. Opère une œuvre du salut. La délivrance intérieure. Tu es celui qui rencontrera Esaïe. Et tu lui as fait prendre conscience. Dans le degré de ta sainteté, la grandeur de ton trône, il s'est écrié confessant ses péchés. Malheur à moi. Car je suis un homme impur. Et j'habite au milieu d'un peuple impur. Auparavant, il se croyait dit. Il se croyait meilleur que quelqu'un d'autre. Il se croyait mieux que l'autre. Mais quand il a vu le grand roi, l'harmonie de l'adoration céleste, les réalités de son royaume, il a vu complètement fait. Il n'était nulle part. Et qu'il n'avait vraiment rien dit. Il avait tout arrêté. De toi. Et grâce à chacun de réaliser ta présence, de s'approcher de toi. Oh Père, fais grâce à chacun d'expérimenter le salut de Dieu. de reconnaître sa misère, reconnaître sa rétrogradation, la bassesse de vie dans laquelle il vit pour chercher les secours de Dieu. De grâce à chacun, au nom de Jésus-Christ, fais grâce à chacun pour qu'il y ait plus de sauvés. Multiplie les justes parmi nous. Les gens qui vivent d'après la parole, qui appliquent cet évangile, qui honorent ce message, multiplie le peuple Seigneur, multiplie pour que ce soit une grande gloire. Diminue le nombre de méchants parmi nous, le nombre d'hypocrites, le nombre de farceurs. Nous avons besoin de vrais enfants de Dieu. Mettez-nous fort. C'est toi qui fais l'argent. C'est toi qui fais le faire. Nous ne venons qu'à toi, Seigneur. Aie pitié de nous, pauvres coupables perdus. Aie pitié de nous. Et apporte ton secours qui est dans la nécessité. De Jésus-Christ, guéris aussi les malades, compatis à la condition de chacun, nous pensons aux nôtres qui sont affectés par les motifs de santé, touche-les là où ils sont, et guéris-les, apporte la solution à tout problème, dans le puissant nom de Jésus-Christ, prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, et que Dieu vous bénisse. Dembe tambula binoo.